actuellement dans la région, ce qui distingue le plus les libéraux et les caquistes, si on parle de notre région à nous autres, c'est que Couillard a décidé de dire oui à peu près à tout. La promenade Champlain, l'anneau de glace, l'autoroute de Wi-Fi, puis toute la patente, la fibre optique. C'est ça. Et de l'autre bord, Legault a dit non à tout. C'est ça. J'ai hâte de voir ce qui va rapporter le plus, moi. J'ai hâte de voir. Mais mon feeling pour la CAQ à Québec est de mieux en mieux. Avec ce qui est en train de se passer avec les libéraux ailleurs au Québec, là. J'ai bien aimé la performance de François Legault dans le débat. Ça nous enlève du stress. Ça enlève la pression, ces gens de Québec, je trouve. Ça enlève une pression de... Puis tu sais qu'il y a des stratèges. Puis c'est en campagne électorale, moi, il y a des spineux qui m'appellent, il y a des politiciens qui m'appellent pour essayer de m'expliquer un peu leur vision de l'élection. Et il y a vraiment des stratèges politiques dans certains partis qui pensent que toi puis moi puis deux, trois autres à Québec ont fait passer le PQ à la dernière élection. Parce que qu'on parlait en bien de la CAQ. En passant, blâmer les radios, c'est comme blâmer les étudiants ontariens. C'est des défaites ça de losers. Ça marche pas. Parce que nous autres, ils voient ça à l'inverse. Ouais. Nous autres, on écoute ce qui se passe sur le terrain, puis après ça, on parle. C'est pas le contraire. On peut pas se sacrer du monde. On n'est pas Radio-Canada. Ouais. Si on dit pas ce que le monde veut entendre, on va perdre nos jobs. C'est aussi simple que ça. Il y a du monde au Parlement. Puis gars, c'est leur droit de le penser, mais je suis pas d'accord avec ça. Vous êtes dans le champ. Ils pensent que... On a fait passer le PQ, on a empêché les libéraux de prendre le pouvoir. Toi, les moi. Radios de Québec, là. Ah oui. 3-4 personnes à Québec, là. Vous comprenez rien. Vous comprenez rien. Comme si on avait ce pouvoir-là entre les mains. C'est tellement insultant pour le monde. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que le succès du Parti libéral à la grandeur du Québec va enlever de la pression sur bien du monde à Québec, qui vont se sentir moins obligés de voter libéral, puis qui vont peut-être retourner à CAQ d'ici deux semaines lors du vote, on verra.